Tiens, c'est la voisine, elle est dans les journaux. On dit que la coquine a gagné à la loto. En direct de sa cuisine, elle va nous dire ce qu'elle va faire avec son gros lot. On va faire des voyages, on va aller jouer au casino. Oh, puis je pense que je vais faire des beaux cadeaux à mes petits-enfants, puis à ma bru. Voilà qui donne mal au cœur. Pour déjeuner à 7 heures, j'ai besoin d'un lave-main pour me vider au plus sacrant. Toutes les conneries médiatisées qu'on nous force à avaler, qu'on nous fait ingurgiter. C'est le voisin Gaston qui passe à la télévision. Son voisin en arrière, c'est Lionel qui a commis crimes et suicides passionnels. Comme il n'y a plus de témoins, on interview Gaston, le beau taouin. Oh, je comprends pas, il avait l'air d'un si bon gars. J'aurais jamais cru qu'il ferait ça, il avait tellement l'air d'un bon gars. Voilà qui donne mal au cœur. Aux nouvelles de 5 heures, j'ai besoin d'un lave-main pour me vider au plus sacrant. Toutes ces conneries médiatisées qu'on nous force à avaler.